بسم الله الرحمن الرحيم نخوض المسألة السادسة الآن من هذا الكتاب سيم مسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا toujours sur البقرة verset 17 الله عز وجل dans le sens où il dit que leur exemple est tel celui qui allume un feu. Donc là, ça va être une mas'ala lughawiyya, encore basée sur la langue arabe et sur des règles de usul al-fiqh. Beaucoup dans ce livre, ça revient à cela. Donc, alhamdoulilah, ceux qui ont certaines bases en langue arabe profitent de fawa'id. Des fois, ils lisent dans le Coran, ils ne comprennent pas pourquoi telle chose est employée à tel moment et c'est quoi la règle qui s'y applique. Alhamdoulilah, fi misli hadhihi al-masa'il yafham, il comprend. قال أفرد في هذه الآية الضمير في قوله استوقد وفي ما حوله وجمع الضمير في قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Donc il a dit que Allah عز وجل a employé un ضمير singulier dans sa parole استوقد, il a allumé. C'est-à-dire le domir qui revient au verbe staqada, c'est un domir mustatir, taqdiruhu huwa. C'est-à-dire ghaib mufrad. D'accord ? Ça revient à il. Et également, dans le verset, ma hawlahu, ce qui est autour de lui. Le domir huna hawlahu, el hu. Ça revient à lui. Singulier, masculin. Et par la suite, dans le même verset, Allah Azza wa Jal, il revient au pluriel. Qala, dans le sens où il dit que Allah est parti avec leur lumière et qu'il les a laissés dans l'obscurité et qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire qu'au début du verset, il parle au singulier et après, il revient et il parle au pluriel. Ma'an marji'a kulli hadhihi dhamair shay'un wahid. وهو اللفظ الذي في قوله مثلهم كمثل الذي. Alors qu'à la base, tous ces dhamair, qu'ils soient pluriels et singuliers, reviennent à un même point qui est le terme الذي qui est au début du verset. الذي, c'est un isme mausul, qu'on traduirait par celui, qui lui-même est un singulier masculin. Donc comment lier entre ce changement d'emploi ? قال والجواب عن هذا أن اللفظة الذي مفرد ومعناها عام لكل ما تشمله صلتها que الذي c'est-à-dire celui الذي c'est un terme qui est singulier et en même temps masculin. Cependant son sens il est général et il englobe tout ce qui serait concerné par le jument qui viendrait par la suite. Dans la phrase qui le suit s'appelle sila. Le ism mawsoul, il a une phrase qui vient d'ailleurs obligatoirement qui s'appelle sila, qui revient vers ce allazi ou allazina ou autre parmi les autres asma mawsoula. Ils ont une phrase forcément qui leur est rattachée qui revient vers eux. Donc cette phrase-là englobe tous ceux qui sont concernés par le jugement qu'elle cite. قال وقد تكرر في علم الاصول ان الاسماء الموصوله كلها من سير العموم. Dans le sur le fiqh, on a vu que les asma mawsoula sont tous des termes de généralité. Car il y a des choses générales dans la langue arabe, clarifiées dans Usul al-Fiqh. D'accord ? Et parmi ces choses-là, il y a l'asma al-Mawsoula. Il y a aussi ce qui a pris El, al-Istighraqiyya. Il y a aussi ce qui est Nafi, Fisiyak, Nakira, Fisiyak, El-Nafi, Mathalen, négation dans une phrase, une chose indéfinie, dans une phrase négative, Mathalen. Ces choses-là sont des choses qui généralisent, c'est-à-dire tout ce qui rentre là-dedans est concerné, à la base. قال فإذا حققت ذلك فاعلم أن إفراد الضمير باعتبار لفظة الذي وجمعه باعتبار معناه فلهذا المعنى جرى على ألسنة العلماء أن الذي يأتي بمعنى الذين. Donc maintenant si tu as compris cela, sache que le fait d'avoir singularisé le dhamir, l'avoir rendu singulier, cela est une chose qui revient au terme الذي, car il est singulier. D'accord ? Mais par contre, lorsque après, à la fin du verset, Allah a parlé au pluriel, cela revient à quoi ? Au sens. car c'est un sens de pluriel. C'est pour cela que les ulama, ils disent que Allazi, ça a le sens de Allazina. Et celui, ça a le sens de ce. Un exemple, je dis Allazi Yati Indi Akrimhu. Celui qui vient chez moi, honore-le. Ma phrase, elle est singulière. Celui qui vient chez moi, honore-le. Admettons que maintenant 10 personnes arrivent chez moi. Cela veut dire que ces 10 personnes-là devront être honorées. Car ils rentrent dans Al-Lazi. Car chacun d'entre eux, c'est Al-Lazi 10 fois. Donc ça revient à dire Al-Lazina Ya'touna Indi Akrimhum. Akrimhum. Ça revient au même. D'où le lien dans ce verset. L'anishan'an dans le hukm qu'on en tire, ça revient au même. Que ce soit 1 ou 10, s'ils rentrent dans un terme général, ils sont tous concernés. ومن أمثلة ذلك من في القرآن هذه الآية الكريمة فقوله كمثل الذي استوقد أي كمثل الذين استوقدوا. Donc dans ce verset là, quand Allah il dit l'exemple de celui qui a allumé, c'est-à-dire un feu, ça revient à dire ceux qui ont allumé un feu. بدليل قوله تعالى ذهب الله بنورهم وتركهم. Par la preuve de la suite du verset où il dit que Allah est parti avec leur lumière et les a laissés. Et d'autres versets sont venus allant dans le même sens. يقول الله عز وجل والذي جاء بصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Celui qui vient avec la vérité et qui la croit, ceux-là sont les pieux. Au début, il dit quoi ? الذي. Et après, il dit أولئك. كذلك, un autre verset que l'auteur ne cite pas, mais qui est dans Sourate al-Baqara, le verset que je viens de citer là, dernièrement, Oulaikahum Takun, c'est le verset 33 de Surat Zumar, l'ornement. Dans le Coran, un verset qui est dans le même sens. قال العز وجل بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Qu'il a dit, en effet, celui qui soumet son visage pour Allah sincèrement et qui est bienfaisant, il aura sa récompense auprès de son Seigneur. Et il n'y a nulle peur sur eux et ne seront pas attristés. Donc regardez bien, au début il commence avec un mufrad et après il finit avec un pluriel. Pour revenir sur un même jugement, d'un même acte. كذلك في قول الله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. Qu'il dit dans le sens, le verset à fond qui existait auparavant, Balaman Aslama, c'est donc, Allah Azza wa Jalla, par exemple, il dit « Et n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou par un tort comme celui qui dépense son argent par ostentation pour les gens. » Par ostentation pour les gens. Donc, au début, Allah Azza wa Jalla, il a dit « La tubtilu » N'annulez pas, c'est-à-dire vous. Et à la fin, il dit « Comme celui qui dépense son argent par ostentation devant les gens. » Surat al-Baqara, verset 264. Donc ça veut dire quoi ? Qu'allazi yunfiqu malahu ay qu'allazina yunfiquna. D'accord ? Ça revient à dire comme ceux qui dépensent. Par preuve de sa parole Azza wa Jalla où il dit la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. À la fin du verset il dit qu'ils ne tirent aucun profit de leurs actes. Et il vise quoi par là ? Celui dont il parle en disant qu'allazi yunfiqu malahu, comme celui qui dépense son argent. Donc là, c'est encore un singulier. Et à la fin du verset, ça revient à un pluriel. Donc au début, Allah Azza wa Jal, il commence par un pluriel, la tubtilu. Ensuite, il revient à un singulier, qu'allazi yunfiqu malahu. Et au final, il conclut ce verset par un pluriel, la yaqdiluna ala shay'in. Kazalik, fi qawlillahi Azza wa Jal, wa khudtum kallazi khadhu. Surat Tawba. Verset 69. Que Allah Azza wa Jalla, il dit, il ne tire aucun profit, ou plutôt à fond. Vous avez discuté à tort comme ce qu'ils avaient discuté. Wa khuttum, là il y a un domir, khuttum et antum, kallazi, là c'est un singulier, khadou. Et là, il y a un pluriel avec un waw al-jama'a. Alors que khadou, le waw al-jama'a, il vient à quoi normalement? Al-lazi. Donc là, le marna, c'est quoi? Hey, khutum, kellazina khadou. Kellazina khadou. C'est ça le sens. Comme ceux qui avaient discuté. Et Cheikh Abou Bilal l'a donné une faïda l'Orawiya ici, que également, kellazi khadou, également, ça peut être kellazina, et le noun a été enlevé tarfifan, pour alléger le terme. Yajouz, haz noun, ism al-mawsoul. On peut enlever le noun de al-lazina pour minimiser ou pour alléger le terme. Yajouz kazalik. Ça, c'est aussi une autre réponse qui a été donnée. Et c'est venu dans des abiyats de poésie, des vers de poésie également. On en cite un seul, car il y en a plusieurs, pour abréger le ders. Qala illa alladhi qamu bi atraf al-masad. Il a dit illa alladhi qamu bi atraf al-masad. Donc là il a dit illa alladhi qamu. Ça revient au même verset qu'alladhi khadu. Donc dans la langue des Arabes, c'est connu. Ce usloub-là, il est connu. Donc là, c'était une faïda qu'on a appris, dans laquelle on montre que ism mawsoul, quand il vient au singulier, il peut avoir un sens de pluriel car c'est un terme général. Naam. Fa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.